cours numéro 4. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. انتهينا في درسنا الأخير نعم من المجلس الثالث في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان الأوسط أي جميلي واستفدنا ولله الحمد فوائد كثيرة واليوم نقرأ المجلس الرابع قال رحمه الله المجلس الرابع في ذكر العشر الأواخر من رمضان les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits de Ramadan. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وفي رواية مسلم عنها قالت أي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام ابن رجب رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر فمنها إحياء الليل فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله ففي هذا الحديث فوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لدي ديغنيغ نوي دو رمضان كان يجتهد في القيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة أي إيفيل أنوي أن فزن الصلاة عليه الصلاة والسلام وأيقظ أهله كذلك il réveillait ses femmes. Al-Kullihal, al-Muslim, il yajtahid fi Ramadan, kulli. On fait des efforts fi hadha al-shahr al-mubarak, al-siyam, al-qiyam, wa qira'at al-Qur'an, kama taqaddam, la lecture du Qur'an, bien sûr. Le jeûne, la journée, c'est obligatoire. Et la nuit, القيام في العشر c'est encore plus recommandé هذه الصلاة فلهذا قال الحافظ رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر هي faisait beaucoup plus d'efforts dans ces 10 dernières nuits et ses principaux Zephor alayhi salatu wasalam, ils étaient axés sur As-Salam. Aïe les 10 dernières nuits. Et bien sûr, As-Salat, Al-Muslimi, il récite le Coran et il fait des du'as. Hadihi As-Salat, Fil-Haqiqa, elle englobe beaucoup de khayr et beaucoup d'ibadat. Min qira'atin wa dhikrin wa du'a'in. Falihada, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait beaucoup d'efforts les 10 dernières nuits. الصلاة وقوله فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر وقوله وأحيا ليلة أحيا ليلة سيفي لانوي يفي لانوي أي يدغمي با وقال ابن رجب رحمه الله يحتمل أن المراد إحياء الليل كله نعم C'est pas bari. Annahu il dormait pas du tout, alayhi salatu wasalam, les 10 dernières nuits. Et ala kulli hal, al muslim, yajtahid, il fait des efforts selon ses capacités. Lakin as-sabr, c'est muhim. Limadha li anna fil haqiqa, 10 nuits, ça passe très très rapidement. Wa al-insan, il pourra se reposer après. Les efforts, c'est muhim. Wa as-sabr ala al-ibadah. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي Donc ça, c'est que pour les 10 dernières nuits. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il réveillait les membres de sa famille. Wa fi hadith Abi Dharr radiyallahu anhu, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lamma qama bihim laylata 23, la 23e nuit, wa 25, la 25e, wa 27, la 27e, ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة. Et dans ce hadith, hadith Abi Dharr, Anna les a réveillés pour la nuit du 27. وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آكد أو في آكد الأوثار الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. Ça nous montre qu'en les nuits impaires, on doit encore faire plus d'efforts. Nous, et bien sûr les membres de nos familles. Les anna al-awtar kama zayati, inshallah ma'ana, quand al-hafidh il a cité Laylatul Qadr, anna al-awtar, les nuits impaires, la 21e, la 23e, la 25e, la 27e et la 29e, on doit encore faire plus d'efforts. Limadha li anna Laylatul Qadr turja akthar fi al-awtar. Et il y a beaucoup plus de possibilités que Laylatul Qadr, ça soit dans les nuits impaires. فَلِهَذَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ il faisait plus d'efforts dans les nuits impaires. قَالَ وَخَرَّجَ الطَّبَرَانِي مِنْ حَدِيثِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ يُطِيقُ الصَّلَاةَ. Et ceux qui ont la capacité de faire salat fil lay, amma un enfant qui est très petit, wa la yafham wa yashuq alayhi al-qiyam, limadha li'annahu il veut dormir, fa mithl hadha, on le laisse dormir, il est petit, ma yadri. Lakin si c'est un enfant, il a taqa, il commence à comprendre et on lui montre le khayr, walaw une partie de la nuit pour l'habituer et bien sûr pour la récompense, hadha c'est tayyib. C'est recommandé. قال سفيان الثوري رحمه الله أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتجهد بالليل. التهجد بالليل c'est الصلاة. C'est faire الصلاة. Et التهجد c'est après avoir dormi. والقيام c'est avant le sommeil. Donc il différencie entre التهجد والقيام بهذا. تهجد après avoir dormi, القيام avant. قال ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاق ذلك. أي si ils ont la capacité de veiller la nuit en salat, وإلا s'ils ne peuvent pas, le père de famille les laisse dormir. لأن هذه الأمور c'est pas obligatoire أصلا. Et لابد من رفق في هذا. Amma exagérer et penser que ces nawafil c'est comme une ibada obligatoire et réprimander ceux qui font pas cette recommandation comme si c'était une adoration obligatoire, là c'est pas sahih. Là, on doit pas exagérer. Un nafl c'est nafl. Et une ibada recommandée, ça reste une ibada recommandée. Lakin al-ta'awun. Et on montre, on explique, on encourage à هذا c'est طيب. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطرق فاطمه وعليا ليلا فيقول لهما الا تقومان فتصليان. فالنبي صلى الله عليه وسلم il encourageait les membres de sa famille à veiller la nuit en salat dans cette période, ay les 10 dernières nuits de Ramadan. قال ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر. ابن رجب رحمه الله il explique le premier hadith qu'on a lu, hadith عائشة رضي الله عنها. Il a commencé par ce qui concerne إحياء الليل, veiller la nuit en salat. ثم il explique cette deuxième partie, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر واختلفوا في تفسيره. فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده أو الجد جده نعم قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة كما يقال فلان يشد وسطه ويسعى في كذا، وهذا فيه نظر، فإنها قالت جد وشد المئزر. دونك بعض العلماء ils ont expliqué cette partie du hadith par les efforts. كان يشد المئزر، أي النبي صلى الله عليه وسلم faisait beaucoup d'efforts. لكن هذا فيه نظر كما قال رحمه الله. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت جد وشد المئزر. جد وشد المئزر أي faisait beaucoup d'efforts وشد المئزر. قال الحافظ فعطفت شد المئزر على جده عليه الصلاة والسلام. يتعلمون أن العطف في اللغة العربية الأصل سي المغايرة، إيك سي با باغي. Tu dis جاء محمد وعمر، عمر سي با محمد، محمد سي با عمر. وهنا جد وشد المئزر سا مونتر كو سي با لا ميم شوز. الاجتهاد اي Et cette partie du hadith que d'autres ils ont expliqué par l'ijtihad, فَفِيهِ نَظَرَ. لماذا؟ لأن si on explique شد المئزر par les efforts, ففي الحقيقة il y a une répétition. Et الأصل, la base en langue arabe, c'est qu'il n'y a pas de répétition. Et النبي صلى الله عليه وسلم c'était أفصح الناس. C'était la personne la plus éloquente عليه الصلاة والسلام. فَسِلَا cité ces deux choses, c'est que c'est différent. Donc expliquer أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر par les efforts, هذا كما قال فيه نظر، c'est pas صحيح. لماذا؟ لأن les efforts ils ont déjà été cités. جد أي faisait beaucoup d'efforts، كان يجتهد عليه الصلاة والسلام. قال والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم سفيان الثوري رحمه الله. وهذا هو القول الصحيح، أن قوله عليه الصلاة والسلام وشد أو قول عائشة رضي الله عنها وشد المئزر، أي النبي صلى الله عليه وسلم أي كان يعتزل النساء. لماذا؟ سيأتي معنا. لأن en général النبي صلى الله عليه وسلم يفزل الاعتكاف، et pendant l'اعتكاف c'est pas permis d'avoir des rapports avec sa femme. Et كذلك ces 10 nuits النبي صلى الله عليه وسلم il les réservait pour العبادة، il n'avait pas de rapport avec ses femmes عليه الصلاة والسلام. Ça veut pas dire que c'est interdit، لا، لكن من تمام الاجتهاد سك المؤمن سنوي يسكون سكر للصلاة، قراءة القرآن، الدعاء، الذكر. قال وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة رضي الله عنها وأنس رضي الله عنه. سيأتي معنا الحديث فيه شيء حديث وكسي كليرمون سيتي. قال وورد تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، وفي حديث أنس وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. دونك هذا سيكلير أن النبي صلى الله عليه وسلم فزل اعتكاف. دونك il n'y a aucun doute annahu il n'avait pas de rapport avec ses épouses alayhi salatu wassalam. C'est ça l'explication de la parole de Aisha wa shadd al-mi'zar, ay anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kana ya'tazil an-nisa, il n'avait pas de rapport avec ses femmes alayhi salatu wassalam. Wa qad qala ta'ifatun min as-salaf fi tafsir qawlihi ta'ala fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum innahu talabun طلب ليلة القدر، والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر. فالآن باشروهن، أي ce verset il montre que c'est permis d'avoir des rapports avec sa femme les nuits de Ramadan. لأن au départ c'était pas permis. C'était pas permis d'avoir des rapports avec sa femme la journée et la nuit. ثم خفف الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. ثم الله سبحانه وتعالى il a autorisé. فالحكم نسخ، أي que c'était pas permis. C'est devenu permis. وهنا الحافظ يسيت une فائدة أن قوله وابتغوا ما كتب الله لكم ليلة القدر. قال والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي du Maghreb jusqu'au Fajr, c'est permis d'avoir des rapports avec son épouse. قال أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح. بعض السلف donc ils ont expliqué ce verset, elle s'est permis d'avoir des rapports avec sa femme les nuits de Ramadan, لكن les 10 dernières nuits, il faut faire des efforts pour essayer, rechercher ليلة القدر et avoir l'énorme récompense. فقوله فالآن باجروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Ah, il s'est permis d'avoir des rapports, et les 10 dernières nuits, on doit faire des efforts pour rechercher la nuit du destin pour avoir la récompense. Ah, là, c'est un tafsir Jamil, qu'il a cité Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, an ba'd al-salaf. قال فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل خصوصا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر فمنها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله في العشرين من رمضان ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il avait des rapports avec ses femmes durant les 20 premières nuits ثم les 10 dernières nuits كان يعتزل. Et تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم faisait l'i'tikaf. Et Al-Mu'takif, il est fait le masjid et il n'est pas avec son épouse et c'est pas permis pour lui d'avoir des rapports. Donc la mas'ala, elle est claire. ثم قال رحمه الله ومنها أي parmi les فوائد اغتساله بين العشاءين وقد تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها واغتسل بين الأذانين والمراد أذان المغرب والعشاء. أي parmi les sunan de ces 10 dernières nuits, de faire al-ghusl entre le maghrib et l'isha. Et on n'a pas lu le hadith, l'imad al-yanna, on a résumé, on le lit. قال رحمه الله وروي عنه من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان في الليالي العشر يجعل عشاءه سحورا. ولفظ حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان قام ونام فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين الأذانين وجعل العشاء سحورا. في الصحيحين on a pas ces rajouts أنه اغتسل بين الأذانين وجعل العشاء سحورا. فلهذا قال الحافظ رحمه الله ابن رجب أبقى صدر الحديث أخرجه ابن أبي عاصم وإسناده مقارب. سأسمونت كأنه الحديث فيه شيء. C'est pour ça qu'au départ il a dit روي عنه من حديث عائشة ثم قال إسناده مقارب. الحافظ ابن رجب رحمه الله il n'a pas montré clairement أن الحديث il est ثابت il est صحيح. فالله أعلم. Surtout quand on a un hadith qui est cité fi sahihayn avec un lafz thumma tu as des rajouts, fi hadha al-hal il faut bien vérifier. Limadha li'anna al-shaykhayn al-Bukhari wa Muslim ils ont pas cité ce hadith avec ce lafz, rubbama fihi shay. Amma qawluhu fa idha dakhala al-ashr shadda al-mi'zar, ça c'est fi sahihayn, c'est sahih, y a aucun doute. Lakin si rajout wa ightasala bayna al-adhanayn, هذا فيه نظر. هذا ça demande une recherche plus approfondie. خاصة أن هذا الحديث avec cette رواية أخرجه ابن أبي عاصم dans un livre. Et ce livre il est مفقود. Il est perdu. Donc الحافظ ابن رجب il a pas cité الإسناد. هذا أولا. Et كذلك أصحاب السنن ils ont pas cité cette رواية. فالله أعلم الحديث فيه نظر. On peut pas dire qu'il est صحيح أو حسن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى ستي ست مسألة فقال رحمه الله كما في اللقاء الشهري أي des assises qui faisait mensuellement رحمه الله une fois dans le mois وسألوا عن هذه المسألة قال والاغتسال بعد المغرب ليس بسنة وما كان معروفا عند السلف من الاغتسال فهو من أجل أن ينشط على القيم وليس مرادا لذاته. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a cité cette mas'ala et il a montré, rahimahullah, an al-irtisal entre le maghrib ou l'isha durant les 10 dernières nuits, c'est pas une sunnah. Ça montre, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qu'annahu il n'a pas pris en considération ce hadith, li'annahu fihi shay. Thumma il a démontré anna wa'd as-salaf sahih, il faisait al-ghusl entre le maghrib et l'isha ou après l'isha. Et Cheikh Ibn Uthaymin il a montré que hada c'est min bab, c'était pour se rafraîchir, limadha li'anna il faisait chaud ou pour se réveiller, linnashat, pour se motiver. Wa illa fa c'est pas une sunna. C'est pas une sunna de faire le ghusl entre le maghrib et l'isha et penser que c'est une ibada. Limadha li'anna on a ce hadith. هذا الحديث كأنه لم يثبت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a démontré que c'était pas une sunna. بقي أن بعض السلف l'ont fait, donc c'est من باب التنشيط, c'est pour un nashat, pour se motiver, pour se réveiller et كذلك pour se rafraîchir. قال وبناء على ذلك, هذا كلام الشيخ ابن عثيمين, ففي أيام الشتاء لا يحتاج الإنسان إلى تنشيط لأن الوقت بارد. Cheikh Ibn Uthaymin il montre pendant l'hiver, quand Ramadan il tombe pendant l'hiver, on n'a pas besoin de ce ghusl pour se motiver. Il fait froid ou il fait frais et l'insan il n'a pas besoin. قال وفي غير أيام الشتاء كذلك بالنسبة لوقتنا الحاضر. Et Cheikh Ibn Uthaymin il rajoute même en été, à notre période, on n'a pas besoin de هذا. لماذا؟ قال فهناك منبهات غير الاغتسال مثل القهوة والشاي والعصير وما أشبه ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a conclu أن à notre époque il y a des choses pour se réveiller, pour se réveiller la nuit ou pour patienter pour pouvoir veiller la nuit, comme le café, comme le thé, comme certains jus. Ça donne de la force au insan et ça l'empêche de dormir. فعلى كل حال on retient de cette mas'ala anna al-ightisal bayna al-maghrib wal-isha durant les 10 dernières nuits c'est pas une sunna wallahu a'lam. Limadha li'anna ça pas été rapporté sauf dans ce hadith et ce hadith ka'annahu fihi dha'f kadhalik. On n'a pas de récit anna as-sahaba radiyallahu anhum il le faisait. Fa Allahu a'lam. Fa qawl Ibn Uthaymin huna il est tayyib. Tant qu'on n'a pas trouvé une autre parole, un autre isnad, la parole d'un savant qui montre que le hadith il est sahih et il détaille plus, enfin on reste à hadha al-kalam, il est tayyib. Baqiya at-tazyin, le fait de s'embellir pour les 10 dernières nuits quand on va au masjid. Qala al-hafid ibn Rajab rahimahullah wa kana ayyub as-sikhtiyani yaghtasil laylat 23 و24 ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر ويقول ليلة 23 هي ليلة أهل المدينة. بعض الأئمة pensaient que la 23e nuit c'était la nuit où on pouvait espérer le plus la nuit du destin, خاصة أئمة المدينة. وهنا أيوب من أئمة السلف رحمه الله faisait l'irtisal la nuit du 23 et la nuit du 24 et il portait ses plus beaux vêtements. قال والتي تليها ليلتنا يعني البصريين وقال حماد بن سلمة كان ثابت البناني من أئمة السنة من أثبت الناس في أنس. Il rapporte beaucoup de hadith plutôt عن أنس بن مالك رضي الله عنه. Enfin, il a entendu directement de Anas, al-Sahabi al-Jalil, radiyallahu anhu. قال وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. كذلك يبخفمي المسجد et s'embellissaient en portant leurs plus beaux vêtements et كذلك en se parfumant. وقال الثابت كان تميم كان لتميم الداري رضي الله عنه حلة اشتراها بألف درهم كان يلبسها في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. الثابت رضي الله عنه rapporte عن تميم الصحابي رضي الله عنه أنه portait كذلك un vêtement qu'il avait acheté avec une certaine somme, il le réservait pour la nuit du destin. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين. هذا سطيب أي لنوي ou on espère que c'est possible que ça soit la nuit du destin, ça sera les 10 dernières nuits, et encore plus les nuits impaires, encore plus la 27e nuit. Se parfumer et porter des beaux vêtements, va se tailler. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Kadhalik ta'lamun anna al-muslimin se rassemble au masjid. Wa kadhalik al-mala'ika. Et on doit faire attention à hada. Il y en a avec le monde, al-zihma, et khasatan en période d'été. Si l'insan la ya'tani, si l'insan ne fait pas attention à la propreté, faroubama yu'di. Robama, il fait du mal au musulman qui est à côté de lui. Ça, c'est important. Une des causes, c'était هذا, pour la propreté. Il l'a cité. On a un délit clair. C'est obligatoire, le ghusl, à la sahih. الغسل غسل الجمعة واجب على كل محتلم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي في الصحيح صحيح مسلم في الأعياد on a pas de délil clair un hadith مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن on a فعل بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يغتسلون donc le jour du عيد on a des آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أما pour les 10 dernières nuits on a فعل هؤلاء السلف أيوب والثابت البناني وتميم الداري رضي الله عنهم على كل حال يا أكمل بل سطيب قال وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد كذلك هذا سقم فرص أن الإنسان quand il va au masjid il fait attention à ses vêtements bien sûr et à la propreté. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما الله أحق أن يتزين له وروي عنه مرفوعا كأن المرفوع il est pas ثابت الذي ثبت c'est قول ابن عمر رضي الله عنهما أن الله أحق أن يتزين له صحيح أحيانا pour des occasions enfin, on prend soin de nous la chaque avec nos vêtements, avec l'irtisal, en se parfumant. Quand on va au masjid, khasatan fi mitl hadhihi al-munasabat, tarawih, wal-jumu'a, wal-eid, on doit faire attention à hada. قال ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى. Et ça, c'est important. On ne doit pas négliger l'apparence. On a cité le hadith « Inna Allah jamilun yuhibbul jamal » et fait le Coran « Inna Allah yuhib al-tawabin wa yuhib »« Inna Allah yuhib al-tawabin wa yuhib al-mutatahirin » Al-inaya bi al-zahir, c'est important, on a beaucoup de adilla vi hada. Lakin plus important que hada, al-inaya bi zinati al-batin, l'intérieur. « Qala bi al-tawbati wal-inabati ila Allah ta'ala » وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها وأوضارها. Ça c'est important cette comparaison. أن الذنوب c'est comme de la saleté. Ça salit ton cœur. Comme les impuretés, ça salit ton thawb. T'es obligé de le nettoyer si c'est une najasa. فهكذا الذنوب ça salit le cœur. Et تنظيفها أي تنظيف هذه القلوب بالتوبة والاستغفار. Comme tu nettoies ton thawb, ton vêtement avec à notre époque du savon إلى آخره. فالقلب ينظف بالتوبة والاستغفار. Chaque fois que l'insan يتوب إلى الله ويستغفر et il fait des أعمال صالحة ça nettoie son cœur. On ne doit pas négliger. On ne doit pas s'axer que sur l'apparence. Et كذلك, on ne doit pas négliger cette apparence. Là, on donne de l'importance à l'apparence. لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a donné de l'importance. Et أهم من ذلك, encore plus important, l'intérieur. قال فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. أما celui qui prend soin de lui en apparence. لكن في الباطن أي son cœur, son intérieur il est sale, bi shirk, ayyadan billah, wal bid'a, wal ma'asi, fa hada, hadihi az-zina, et cet embellissement de l'extérieur, de l'apparence, il ne sert à rien du tout. Wa ta'ammal hal al-kafara. Ils ont de la inaya bihada. Ils prennent plusieurs douches par jour. Et ba'dhum inaya avec le parfum, avec des crèmes. Ils ont une inaya kabira. Et al-batin, comme a dit rahimahullah, kharabun. Al-kharab, c'est la ruine. Une maison en ruine, kharabun. Et il n'y a aucune faïda. Donc, nous ne négligeons pas les deux. Sans exagérer. Khasatan fi Ramadan. في رمضان العناية كما تقدم بالقيام وبالقراءة بقراءة القرآن وبالصيام وبالذكر وبالتلاوة إلى آخره et sans négliger ce point. قال فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. قال رحمه الله وقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فتأمل قوله عز وجل après avoir cité اللباس qui couvre السوآت, c'est les parties intimes. قال ولباس التقوى ذلك خير. Vous avez remarqué qu'il a comparé سبحانه وتعالى التقوى aux vêtements. Ça va te préserver. Ça va te préserver, minanar. Comme le vêtement, il te préserve de la chaleur ou du froid. Fait taqwa, ça préserve le mu'min, minanar. Qal wa libas wa taqwa, dhalika khayr. Et c'est encore mieux. Donc, l'inaya, on doit faire des efforts. Et la priorité, c'est zinatu al-batin wa tathiru al-qalb. Purifier ce cœur, min al-ma'asi wa min al-bid'a wa min al-shirk. Et كذلك on néglige pas l'apparence. قال رحمه الله لا يصلح لمناجات الملوك في الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه وطهرهما خصوصا ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى وهو لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى انتهى كلام جميل فمن وقف بين يديه اي بين يدي الله celui qui se met debout pour faire salat لله عز وجل قال فليزين له ظاهره باللباس qu'il mette ses plus beaux vêtements خاصة dans les occasions que Al-Hafid il a cité rahimahullah. Donc on donne de l'importance à l'apparence. لماذا لأن on fait salat لله عز وجل. قال وباطنه بلباس التقوى. Et son intérieur, son corps, بلباس التقوى. Avec le vêtement de التقوى. فعلى كل حال التزين c'est مشروع. في كل حال. Et خاصة quand on va au masjid et ces occasions quand المسلمون ils se réunissent dans un même endroit. فالعناية بالنظافة. La propreté c'est très très important. قال ومنها الاعتكاف اي dans ces 10 dernières nuits parmi les choses importantes الاعتكاف. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم avant de mourir il faisait les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours, il les passait fil i'tikaf. Aïe, fil masjid, il ne sortait pas, alayhi salatu wassalam. Wa fi sahih al-Bukhari, an Abi Huraira, radiyallahu anhu, qala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wassalam, i'tikifu fi kulli Ramadan, 10 ayyam. Falamma kana al-aam al-ladhi qubidha fi, i'takafa 20, wa innama kana i'tikifu al-Nabi sallallahu alayhi wassalam fi hadha al-ashr, التي يطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. C'est ça le but de l'i'tikaf. C'est pour rechercher ليلة القدر. Vu que ليلة القدر كما تقدم معنا الصحيح c'est qu'elle se déplace. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup de hadith il a démontré que c'était les 10 dernières nuits. Elle était dans une de ces nuits. فمن المشروع c'est de faire l'i'tikaf pour se concentrer, ne pas être occupé par autre chose, pas être distrait par quelqu'un ou par quelque chose, hatta al-mu'min, il fait des efforts pour la récompense de cette nuit. Qala fala yukhalituhum wa la yashtaghilu bihim wa li hadha dhahaba al-imam Ahmad ila anna al-mu'takifa la yustahab lahu mukhalatatu an-nas. Wala shak. La shak anna celui qui fait l'i'tikaf, il ne doit pas être comme celui qui ne fait pas l'i'tikaf. Amma l'i'tikaf, il reste au masjid et toute la journée parler, ou à notre époque avec son téléphone, et quand quelqu'un rentre, فربما يتكلم مع كثيرا, هذا في الحقيقه الى ضعف في اعتكاف. المعتكف, celui qui fait l'i'tikaf, il doit s'isoler. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler avec les autres. Là, tu as le droit de parler, lakin sans exagérer. Et s'il y a une haja, s'il y a un besoin, tu demandes quelque chose à quelqu'un ou tu lui parles bi'ikhtisar, na'am, il n'y a aucun mal. Amma, rester au masjid en état d'i'tikaf et parler avec son frère ila akhirih pendant un long moment, il y a un naqs. Là, je sais que c'est un manquement fait l'i'tikaf. Qala hatta wala li ta'lim ilmin wa iqra'i qur'an. Na'am, l'imam Ahmad rahimahullah yaqul anna la yustahab lahu mukhalatatu an-nas, il doit pas se mélanger avec les autres et parler ila akhirih. Hatta wala li ta'lim ilm wa hatta wala li ta'lim ilm, hatta donner des cours. Na'am, بعض العلماء disent que c'est afdal qu'il se concentre à la qira'at al-Qur'an la nuit al-qiyam. Et بعض العلماء يقولون لا باس. La base de donner des cours. Si c'est qu'un cours, la base. Ça ne fait pas de mal, khasatan, si les mukhtasar, et ça reste du ilm, ça reste du dhikr. Amma, beaucoup de cours, al-afdal pour le mu'takif, c'est de se concentrer al-Qur'an ou al-qiyam. Qal wa iqra'i Qur'an. Iqra'i Qur'an, ay, wahad, il récite le Qur'an sur toi. Et tu le corriges. قال بل الأفضل لها الانفراد بنفسه والتخلي بمناجات ربه وذكره ودعائه. C'est ça l'afdal. أن الإنسان يسيزول. وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية. وإنما يكون في المساجد. لئلا يترك بها الجمع والجماعات. فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها. Ça c'est من شأن الصوفية الضلال. Annahum s'isole dans des endroits pour se couper de dunya comme il prédente. Ça, c'est min al-bida'. Là, al-khulwa al-shar'iyya, c'est s'isoler, mathalan, en état d'i'tikaf. Na'am, fi hadha al-hal, c'est mashru' et comme a dit l'imam, rahimahullah, fil masjid. Amma dans les maisons, là, yassih. Fil masjid. Kadhalik, une précision, on a ce masjid, al-afdal, c'est que tuqam fihi al-jumu'ah. Amma il y a des masajid, comme des musallah, c'est compté comme masjid. Il y a les cinq salawat, mais il n'y a pas le jumu'ah. Et si, هذا المعتكف, il fait l'i'tikaf, مثلاً les 10 derniers jours, forcément il y aura le jumu'ah, donc ça le forcera de sortir. Al-afdal, c'est de faire dans un masjid jami', ou qui a le jumu'ah ou le jama'at. قال فالخلوة والمشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد خصوصا في شهر رمضان خصوصا في العشر الأواخر منه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه فسن عبادة عظيمة. En al-i'tikaf, donc c'est fil masjid, c'est permis, hatta fi ghayr Ramadan. Al-sahih, c'est que l'i'tikaf, c'est pas forcément lié au siyam. Et al-ulama, il cite souvent cette masala, est-ce que le mu'takif, forcément, il doit faire le jeûne? Si c'est fi Ramadan, la shak, lien à Ramadan, c'est obligatoire de faire siyam, lakin est-ce que c'est permis de faire l'i'tikaf autre? Matalan, tu vas en umrah, et tu vas faire l'i'tikaf, fil masjid nabawi ou fil masjid al-haram, 2 jours, 3 jours, 10 jours. C'est al-sahih, c'est que c'est permis. C'est pas lié à Ramadan forcément ou au jeûne. Et taqaddam ma'ana anna al-afdal, c'est les dix dernières nuits et les 10 derniers jours. Et on a une mas'ala importante et une fa'ida. Taqaddam ma'ana anna certains, beaucoup de masajid à notre époque qui ferment. Tu peux pas faire l'i'tikaf les 10 derniers jours et les 10 dernières nuits. Lakin, on a une fa'ida anna الاعتكاف على الصحيح لا با دو حد لأكثره أو أقله. العلماء يسيت أن مسألة إسكو الاعتكاف إلى أن جوغي بخيسيز أي أن ماكسيموم أو أن مينيموم. الصحيح سي كلا با دو جوغي. لماذا؟ لأن يا با دو دليل كي مونتخ أن جوغي. دونك أون غست على الأصل أن الاعتكاف دون لا لونغ عرب كما بين الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أن الاعتكاف سا فو دير كوا سا فيان دو مو عكوف أي غستي دون أن أندروا. Celui qui reste au masjid avec cette niya, il est compté mu'takif. Est-ce que c'est forcément 10 jours là? Est-ce que c'est forcément 5 jours là? Là, donc il n'y a pas de limite au maximum. Ça peut être plus de 10 jours, ça peut être plus d'un mois, celui qui le fait. Et ça peut être moins. Moins de 10 jours, il a akhiré. Bal su'ila al-allama al-imam Cheikh Abdel Aziz bin Baz, rahimahullah, anna si wahed il reste un certain moment fil masjid, une heure, deux heures, et il a la niya de l'i'tikaf, est-ce qu'il est compté comme i'tikaf? Qala na'am, idha nawa. S'il a la niya, il est compté comme i'tikaf, il a ajr azim. Wa kadhalik Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah. Il a démontré na, voilà, un court moment, il est compté comme i'tikaf. L'imam Nawawi rahimahullah, il a encouragé à hadha, na, celui qui reste un certain moment au masjid, fa qu'il mette cette niya. Lakin, tu es compté comme i'tikaf. Tu te concentres à la salat, au qira'at le Coran, il a akhir. Et le qawl, c'est pas limité, ou il n'y a pas une limite na'am, de maximum ou minimum, c'est le qawl de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. C'est pour ça que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, كذلك, il l'a choisi. لأنه c'est un Shafi'i al-Madhhab, parce que c'est le haq surtout. واختاره كذلك l'imam al-Mundhir, rahimahullah. Et min al-Mu'asirin, c'est qawl Cheikh ibn Baz, قول شيخ النجمي رحمه الله قول شيخ صالح الفوزان إذا شوازي هذا القول إسأ الصحيح. تستفيد من هذا دونك أنك أنت خاصة لدي ديغنيغ نوي لأن سيئن سنة خاصة لنوي أمبير مثلا لنوي دو 27 en général les مساجد restent ouverts du après le مغرب jusqu'au فجر. فأنت si tu restes au مسجد pour faire la salat, mais niyat al-i'tikaf. Et alhamdulillah, cette nuit, vu que tout le monde fait salat, tu ne te mélangeras pas aux autres. Tu seras dans ton endroit, dans ton film jid, et tu feras salat. Mais niyat al-i'tikaf. Quand tu rentres après le maghrib, avant l'isha, mais niyat al-i'tikaf, et tu restes au masjid, et hatta ma yassar Allahu lak, tu sors, matalan au fajr, ou un peu avant le fajr, si tu sors pour prendre le sahour, et alhamdulillah, tu es compté ces heures que tu es resté fil masjid, tu es compté en tant que mu'takif et un ajr azim. Wa hakada, la nuit du 23, la nuit du 25, les 10 dernières nuits, fil masjid, il laisse un peu plus de temps, et le qiyam, il est un peu plus long. Wa hadi, c'est une faïda azim, anna on met cette niya, et inshallah, on est compté en tant que mu'takif ce moment. Donc, l'i'tikaf, c'est pas forcément 10 nuits, comme certains y pensent. Mais là, مثلاً certains masajid ils restent ouverts. مثلاً le masjid al-haram, ceux qui font l'umra. Et pour certains c'est difficile 10 nuits et 10 jours de ne pas sortir du masjid et de ne pas se mélanger aux autres. Si c'est difficile, fais 15 jours. مثلاً في المسجد الحرام tu restes au fajr jusqu'au maghrib, tu décides de ne pas sortir et tu fais tawaf et qira'at al-Qur'an ila akhir, tu mets niyat l'i'tikaf, khasatan les 10 derniers jours de Ramadan. Hakada les nuits. Les nuits, khasatan les nuits impaires, la nuit 23, la nuit 25, 25, 27, si tu peux pas faire les 10 dernières nuits, fais au moins la nuit du 23, la nuit du 25, fa, alhamdulillah, il y a une faïda azima. Deuxième point, nastafid min hadhi al-mas'ala, anna dans certains masajid, matalan huna, tellement qu'il y a de monde, ils font salat dehors. C'est permis. Khasatan, si le masjid il est plein, et faire salat dehors, c'est permis, et celui qui fait dehors, il est compté, avoir fait tarawih avec le jama'a. Lakin, celui qui fait dehors, il ne peut pas mettre un niya. Falihada, les 10 dernières nuits, vu que dans certains endroits, on ne peut pas faire l'i'tikaf, le masjid, il ne reste pas ouvert, fa'ala al-aqal, on essaye d'aller tôt. Matalan, tu manges après le maghrib. Thumma, tu manges, tu as besoin de 10 minutes, un quart d'heure maximum. Thumma, tu te prépares et tu sors. Tu vas aller au masjid, matalan, une demi-heure, 40 minutes avant l'Isha. Et là, chaque que tu trouveras le masjid, il est pas plein. Et via dans le hal, tu auras ta place sur le masjid et tu peux mettre cette niya. Mais celui qui arrive en retard, ou juste à l'heure, et il trouve le masjid plein et il doit faire salat dehors, fi hada al hal, il n'est pas compté mu'takif. Limadha? Li'anna al-i'tikaf, la condition, c'est le masjid. Tu ne peux pas faire l'i'tikaf dehors. Abadan. Contrairement à salat al-jama'a. Salat al-jama'a, ce n'est pas une condition, le masjid. Tu peux faire le jama'a dehors. Khasatan, s'il n'y a pas de masjid ou le masjid, il est plein. قال الحافظ رحمه الله نكمل هذا المجلس قال يا من ضاع عمره في لا شيء استدرك ما فاتك في ليلة القدر فإنها تحسب بالعمر. Combien de manquements on a et on a eu et on aura. On est des êtres humains, on a des faiblesses. Si, et là chaque on a tous des faiblesses, cette nuit on doit tout faire pour être en état de salat ou l'i'tikaf. كذلك نكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء ومن الذكر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. فلهذا قال الحافظ فإنها تحسب بالعمر. Une nuit في الحقيقة ça équivaut à une vie. لماذا؟ لأن 1000 mois ça fait plus de 80 ans. Et 80 ans c'est la durée de vie d'une personne. Belle, c'est une longue durée de vie. Comme il naît, il meurt avant 80 ans. Et en général, les êtres humains, ils n'atteignent pas cet âge. Kathir, mais non, mais ils meurent avant. Enfin, anta, c'est une force arima de faire des efforts. Comme قال, tuhsab bil umr. Cette nuit, ça équivaut à une vie. Enfin, fais des efforts. Fi hadhihi al-layla. قال رحمه الله إخواني المعول على القبول لا على الاجتهاد. Il conclut ce quatrième point رحمه الله avec cette nasiha jamila. المعول على القبول لا على الاجتهاد. L'essentiel c'est de tout faire pour que cette ibadah soit acceptée. C'est pas de faire beaucoup. On doit faire attention à ça. On regarde pas que le nombre. J'ai lu, maintenant, si on prend la lecture du Coran, j'ai lu le Coran ce mois une fois, deux fois, dix fois, chacun par rapport à son ijtihad. Ça, c'est taïb de faire des efforts. Lakin, plus important, c'est de penser au qaboul, à l'ihtisab, à l'niyya. Qala al-hafid wal-i'tibar bi birri al-qulub, la bi'amar al-abdan. C'est ça l'essentiel. Les anna al-munafiqin, par exemple, ils ont fait ce genre de ibadah. As-salat ila akhir. Lakin, c'était pas accepté. Limadha? Lianna leur cœur, il était mort. On fait attention à hada. Faire des efforts, c'est muhim. Lakin, ne pas oublier que ces efforts, c'est une ibadah. Et la ibadah, elle a accepté qu'avec deux conditions. Al-ikhlas wa al-mutaba'a. La sincérité et le suivi du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, on fait attention à deux choses. Que ça soit pendant Ramadan ou autre. Que ça soit la nuit du destin ou autre. Lakin, ta'ammal matala, la nuit du destin, c'est une nuit, faqat, dans l'année. Et ça équivaut à plus de 80 ans, 1000 mois. Fais attention à deux choses. Ria, l'ostentation. Pas vouloir se montrer. Celui qui veut se montrer, comme il y a dans le hadith al-Qudsi, ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'associer. Il n'accepte pas le amal qui est fait pour autre que lui, subhanahu. On fait attention à ça. Et on n'oublie pas, da'iman wa abadan, on se rappelle anna hadhihi al-ibadah, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui va te donner هذا الانسان? Qu'est-ce qui va te donner? بعض الناس ils se montrent في القراءة, ils embellissent leur voix, ils font salat, ils prolongent la salat et la akhirah. لأن فلان il les regarde. Qu'est-ce qui va te donner? ولا شيء. بل tu as tout à perdre في هذا الحال. Cette ibada, si elle n'est pas faite لله عز وجل خالصة لها, elle n'est pas acceptée. قال والاعتبار ببر القلوب لا بالعمل والأبدان. Donc le premier point, on a cité l'ikhlas. Le deuxième point, attention aux bid'a, aux innovations. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le bid'a, c'est pas accepté عند الله. Même si صاحبها il est sincère, s'il est ignorant, فيرجى له الخير par rapport à ses efforts il a akhiré. لكن celui qui invente fi dinillahi azza wa jalla, khassatan celui qui a les moyens d'apprendre et il fait pas d'efforts pour apprendre, il invente des choses où il suit les coutumes des autres et il pense que c'est une ibada, ça c'est pas accepté عند الله. Enfin, ces deux points c'est essentiel pour chaque mu'min. Al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité et suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Fakum min bid'a fi laylat al-qadr. Matalan min al-bid'a, ils se rassemblent et ils font des adhkar. Et pardon, ils perdent leur temps. La nuit du destin, ça commence après l'Isha, après le Maghrib en général, les gens ils mangent, ils l'akhiré, thumma al-qiyam, c'est après l'Isha. Donc si on compte après l'Isha jusqu'au Fajr, c'est quelques heures. Ba'd al-nas, ils perdent une partie de la nuit, je peux dire facile, deux heures, fit'an. Ils emmènent deux repas au masjid et ils perdent leur temps, le temps de manger, le temps de nettoyer, le temps de préparer, le temps de... Et c'est une bid'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont jamais fait comme ça. Là, tu manges après le Maghrib, mais après l'Isha, il faut faire des efforts pour l'Ibad. Ils mangent après le Maghrib, thumma au masjid, après l'Isha, ils font quelques rak'at, thumma un autre repas. Ka'annahum, ils sont fi walim. Ça, c'est une bid'a. Et c'est une perte de temps. Kadhalik, ba'dhum fi laylat al-qadr pendant, madrikam, pendant un long moment, ils font un dhikr al-jama'i. Ils font du dhikr en groupe. Kadhalik, c'est min al-bid'a, c'est pas accepté, hada indallah. Laylat al-qadr fait du dhikr. Tout seul. C'est ça, le sunnah. Lis le Coran. Fais des dua. Amma perd son temps et personne s'écoute. Et kadhalik, yuz'ijoun al-nas fi al-masjid. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit hada de faire du mal à son frère. Et ils lisent en groupe, ou ils font leur adhkar en groupe. Et là, ahad, yasma' al-akhar. Tu sais même pas ce qu'ils disent. Et kadhalik, ils font du mal aux autres. Limadha li'anna al-jahl. Al-jahl, c'est ça qui a poussé haoula à faire ces bid'a. Wa illa celui qui applique cette nasiha, ikhwani, qala rahimahullah. Ikhwani, ay mes frères. Al-mu'awwal ala al-qaboul, la ala al-ijtihad. Ça, c'est une nasiha qui te sera utile, bi'idhnillahi azza wa jal, tout au long de ta vie. Pas que pour Ramadan. Al-qaboul, la al-ijtihad. C'est pas que l'ijtihad. L'ijtihad, ça veut dire quoi? Vouloir faire beaucoup. C'est tayyib hada. Lakin, avec le premier point, al-qaboul, ne pas oublier, est-ce que ton amal, il va être accepté? Amla. Pour qu'il soit accepté, tu as deux choses. La sincérité et le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Cette nasiha est fondée sur ce verset. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Ay, qui c'est qui fera la meilleure œuvre, pas le plus d'œuvres. فَتَأَمَّلُوا الْفَرْقَ. Allah subhanahu wa ta'ala قال أَحْسَنُ عَمَلًا. Il n'a pas dit أَكْثَرُ عَمَلًا. Il y en a comme une amal, il n'est pas accepté. S'il n'est pas fondé sur la sincérité et le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. ثم قال رب قائم حظه من قيامه السهر. كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم. أي combien de personnes ils vont faire le qiyam في رمضان لكن ils gagnent que la fatigue. Et ils n'ont pas dormi, c'est ce qu'ils ont gagné. C'est un tab. L'être humain quand il se prive de sommeil, ça le fatigue. Sauf dans ce cas, si tu te prives pour une ta'a, enfin, cette fatigue c'est des hasanat. Amma, celui qui veut pour se montrer مثلاً, عيادم بالله, qu'est-ce qu'il a gagné? إلا السهر كما قال. Il a veillé, il se fatigue. Et combien tu trouves il est qa'im fil masjid pendant des heures, il est mahroum, il n'a pas de récompense. Ils vont voir des sorciers, ils font du shirk, ils insultent Allah. Thumma il fait le qiyam. La bud min tawba. Ils font pour se montrer. Faqat. Ils mettent des beaux vêtements, il a akhiré. Et leur but, c'est pour que les gens ils parlent d'eux. Bah, oula, ils se fatiguent. Faqat. Wa kam min na'im marhum. Et combien de musulmans qui dorment, ils sont marhum. Allah, il leur pardonne. Limadha li'annahu il est na'im, il avait une bonne niya. Et pendant son sommeil, il ne fait pas de péché. Bah, alhamdulillah. Même s'il ne gagne pas des hassanat par rapport à celui qui fait le qiyam, au moins il ne fait pas de péché. Bah, on fait attention. Amma, celui qui regarde que le nombre et il veut se montrer, il ne peut pas dormir. Limadha li'annahu il veut se montrer. Alors que fil haqiqa, s'il irait dormir et il serait sincère, wallahi c'est mieux pour lui. Qala hadha nama wa qalbuhu dhakirun wa hadha qam wa qalbuhu fajirun. Celui qui a dormi, fil haqiqa, s'il a dormi mathalan avec tahara, il a fait le wudu avant de dormir et il a fait adhkar nom, fil haqiqa il a dormi ala hal tayyib. Amma l'autre, il reste debout toute la nuit, qalbuhu fajir. Son cœur, il est malade, iyadun billah. Bil ma'asi et bil riya, il veut se montrer. Qala lakin al-'abd ma'mur bis-sa'i fi iktisab al-khayrat wal-ijtihad fi al-a'mal as-salihat. Hona, il a fait une remarque. Ça ne veut pas dire que on se laisse aller et on dort et on dit khalas. L'essentiel, c'est de ne pas avoir de péché. Je dors, je fais dhikr et je suis à la khayr. Là, ce n'est pas comme ça. chaque musulman, Allah ilhamdi, veut faire des efforts. Et il fait des efforts en général. Wa kullun muyassar lima khuliqa lah, ahlus sa'ada. Amma ahlus sa'ada fayuyassaruna li'amali ahlus sa'ada. Wa amma ahlus shaqawa fayuyassaruna li'amali ahlus shaqawa. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر. الحافظ ابن رجب رحمه الله dans son livre il encourage chaque musulman à faire des efforts. On arrivait aux 10 dernières nuits, حقيقة il reste plus rien. Il reste plus rien et dans ces 10 dernières nuits il y a une nuit qui est meilleur que 1000 mois, plus de 80 ans de ibad. Et min hikmatillahi azza wa jalla, on ne sait pas c'est quelle nuit, on fait des efforts. Haqiqa, celui qui a fait des efforts pendant ce mois, khasatan les 10 dernières nuits, et il était sincère, haqiqa, il a tout gagné. Il a gagné un ajr azim avec son qiyam, avec son siyam, avec la nuit du destin, et alhamdulillah. قال فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر. C'est une force azima. Tous les manquements qu'on a eus depuis notre jeunesse, ila yawmina hada, si tu es sincère et tu fais des efforts et Allah il te récompense, il te donne la récompense de cette nuit du destin, alhamdulillah, plus de 1000 mois, c'est une ni'ma azima. Ça va compenser les manquements qu'on a eus dans notre vie. Fahada al-majlis al-rabi' wa lillahi al-hamd wa al-minna. Amma al-khamis fa fil haqiqa, il n'y a pas énormément de rajout. Limada, لأن الخامس في ذكر السبع الأواخر. La cinquième assise qu'il a citée, c'est les sept derniers jours. Là, chacun a tout ce qui est lié aux 10 derniers jours. Il l'a cité auparavant. Al-i'tikaf ou al-qiyam, il a akhri. Lakin, dans ce chapitre, il va surtout citer al-khilaf في ليلة القدر. Enfin, on peut le résumer. قال rahimahullah, on lit, on résume la cinquième assise, hatta le prochain dars, et inshallah ça sera le dernier, et on fait la sixième. Qala fi sahihayn, an ibn Umar radiyallahu anhuma, anna rajulan min ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, uru laylat al-qadr, fi al-manam, fi al-sab'i al-awakhir. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ara ru'yakum qad tawata'at, na'am. Vous avez tous fait pratiquement le même rêve. Anna, la nuit du destin, ils ont vu en rêve que c'était les sept dernières nuits. Anna, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vu que plusieurs ils ont rapporté à Allah, فَقَالَ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. Apparemment, vous êtes beaucoup à avoir vu cette nuit, la nuit du destin, dans les sept dernières nuits. قَالَ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. هَذَا سَفِي الصَّحِيحَيْنِ. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé à faire beaucoup plus d'efforts les sept dernières nuits. قال وفي صحيح مسلم عنه, أي عن ابن عمر رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, التمسوها في العشر الأواخر, فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé de rechercher la nuit du destin dans les dix dernières nuits. ثم قال, celui qui a du mal, qu'il fasse au moins des efforts les sept dernières nuits. قال قد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القدر وأنه اعتكف مرة العشر الأول منه ثم طلبها فاعتكف بعد ذلك العشر الأوسط في طلبها وأن ذلك تكرر منه غير مرة ثم استقر أمره على اعتكاف العشر الأواخر في طلبها. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, faisait l'i'tikaf les 10 dernières nuits pour rechercher la nuit du destin. Ça nous montre que la nuit du destin, elle est dans les 10 dernières nuits. قال وأمر بطلبها فيه ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. Donc, الخلاصة, c'est que la nuit du destin, elle est dans les 10 dernières nuits, dans une des 10 dernières nuits. ثم قال وفي رواية للبخاري في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هذه الرواية montre أن la nuit du destin, il y a plus de possibilités qu'elle se trouve dans les nuits impaires. Le 21, le 23, le 25, le 27 et le 29. Tous ces hadiths, ils nous montrent ماذا؟ أن ليلة القدر سبا اون نوي فيكس كما تقدم معنا التنبيه أن البعض يبونس كو سي فورسيمون لا نوي دو 27 اي فون با دي فور دون لي زوت نوي لا سا سا نو مونتر اي سي اون حكمة عظيمة أن سيت نوي النبي صلى الله عليه وسلم نوزا با مونتري سيتي كون فلعل بور فير دي زيفور حكمة الله سبحانه وتعالى pour qu'on fasse des efforts les 10 dernières nuits. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait al-i'tikaf. قال وله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان les 10 dernières nuits de Ramadan. ولمسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الغوابر قال et il a cité في الصحيحين وفي صحيح البخاري التمسوها في العشر الاواخر من رمضان الى اخره. ثم الإمام نرجب رحمه الله أطال في ذكر الخلاف. Il a cité la divergence. Certains savants disent que c'est plus le 23, d'autres disent que c'est plus le 27, d'autres disent que c'est plus le 21. Il a akhiré. وعلى كل حال تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم à son époque à l'arrivée une fois la nuit du 21. عليه الصلاة والسلام c'était le 21. Et dans d'autres hadiths, d'autres nuits, على كل حال كما بين بعض العلماء أن المسلم يجتهد les 10 dernières nuits. Celui qui fait des efforts durant les 10 dernières nuits, فالحمد لله forcément il aura fait الصلاة pendant la nuit du destin. فلهذا المسلم يجتهد في رمضان كله. Il fait des efforts durant tout le mois de Ramadan et في العشر الأواخر أكثر. Et on répète la nasiha de l'imam Ibn Rajab رحمه الله أن l'essentiel c'est pas que le nombre et je fais cela toute la nuit. Là, plus important que ça, en faisant des efforts bien sûr, il y a l'intention. Et d'aïman on se rappelle pourquoi on va au masjid, pourquoi on recherche cette nuit. Le but c'est quoi? C'est ridallah subhanahu wa ta'ala. Le but c'est quoi? C'est l'énorme récompense. Le but c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous pardonne. Enfin, on lira pas tout ce passage, celui qui veut le lire. فالحمدلله on avait résumé cette masala dans les drous de fiqh qu'on avait fait في عمدة الأحكام كذلك في الملخص الفقهي لشيخ فوزان. On avait cité la nuit du destin et on avait détaillé قليلا. والخلاصة c'est ce qu'on vient de citer, c'est que la nuit du destin c'est pas une nuit fixe. لكن les nuits les plus probables bien sûr c'est les 10 dernières nuits et encore plus les nuits impaires 21, 23, 25, 27, 29 et encore plus les 7 dernières nuits 23, 25 et la akhiré jusqu'à 29 et encore plus la nuit du 27. C'est ça le khulasa. Enfin, nos efforts, on doit multiplier d'efforts les 10 dernières nuits, encore plus les nuits impaires, encore plus le 23, 25, 27, 29 et encore plus le 27. Hadhihi hiya al khulasa. ثم قال رحمه الله وأما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة وقد أمر عائشة رضي الله عنها بالدعاء فيها أيضا. دونك الأعمال qu'est-ce qu'on doit faire pendant ليلة القدر؟ الصلاة وقراءة القرآن والدعاء. Ne t'occupe pas avec autre chose. Ne t'occupe pas avec d'autres ibadat. Fadlan, la nourriture et le kalam al-fariq, ou ba'dhum ils vont au masjid, et imma ils restent devant la porte du masjid dehors, imma fil masjid, et ils mangent et ils parlent. C'est pas min sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Occupe-toi avec ces trois choses, tu seras ala khayr. قال والمحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عد قال فيعدونها عدا للانتظار. نعيد الكلام. قال المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم. هذا من وفقه الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الصالحين في الحقيقة يكونت toute l'année, ils attendent ce moment, ces 10 dernières nuits. لماذا لأن c'est les meilleures nuits. لماذا لأن Allah عز وجل pardonne à beaucoup de mu'min. لماذا لأن il y a une nuit qui équivaut à 1000 mois, mieux que 1000 mois. فلهذا الحقيقة ils comptent, ils sont pressés. فلهذا quand le moment ils arrivent, يجتهدون. Pourquoi هؤلاء ils ont atteint ce niveau? لأنهم ils connaissent le khayr. C'est quoi le khayr? Ils n'oubliaient pas, ils n'étaient pas fait reflet. n'était pas dans l'insouciance. Il n'était pas que fait de donner. Allah, il connaissait le khayr et il lui donnait de la valeur. Quand le moment il arrivait, il faisait beaucoup d'efforts. Force azim. Celui qui est fatigué, ou assis. C'est comme l'i'tikaf. Et ça, c'est une faïda fi s-salah. Anna al-ba'd, khasatan min al-awam, il pense que as-salat, c'est que debout. فَلِهَذَا الْبَعْدَ رُبَّمَا les 10 dernières nuits, peut-être les nuits impaires, ou peut-être la nuit du 27, ou qu'il y a une très grosse possibilité que ce soit la nuit du destin, رُبَّمَا ils sont fatigués, ils rentrent chez eux. لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ ils ne savent pas que فَضْلُ اللَّهِ il est وَاسِعَ celui qui est fatigué, il est juste de t'asseoir, fils sol. La chèque, la récompense, elle est plus grande pour celui qui est debout. لكن alhamdulillah, si tu peux pas, enfin, assis-toi. Et celui qui ne peut pas se mettre debout, il a la même récompense. Ce qui l'empêche de se mettre debout, c'est l'incapacité. Et dans ce cas-là, incha'Allah ta'ala, il a l'ajr kamilan. Enfin, même si on est fatigué, enfin, assis-toi, akhil karim. Ou le ba'd, il pense que c'est que tarawih, la nuit du destin. Dans certains masajid, dans beaucoup de masajid, ils ne font pas salat toute la nuit. Même la nuit du 27, même les nuits impaires. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait pas d'efforts? Fais salat avec le masjid jusqu'à ce qu'il finisse, tu auras une récompense azim. Et kadhalik, quand tu rentres chez toi, fais qira'at al-Qur'an, ou al-istighfar, ou al-athkar, et at-du'a. Al-haqiqa, celui qui occupe son temps, fais-y, ijtahid toute la nuit. Thumma qal, et on finit bihada. Qalat Aisha, radiyallahu anha, l'innabi sallallahu alayhi wa sallam, ara'ayta in wafaqtu laylat al-qadr, ma aqulu fiha. Elle a posé cette question, radiyallahu anha. Au prophète alayhi salatu salam, si c'est la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire? Faqala sallallahu alayhi wa sallam, quli, Allahumma innaka afuun, tuhibbu al-afwa fa'afu anni. Hada al-dhikr, hada al-du'a al-azim. Ça c'est une sunnah de le répéter kathiran durant les 10 dernières nuits. Limadha lianna, ça peut être la nuit du destin. قال العفو من أسماء الله تعالى وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم وهو يحب العفو من صفات الله عز وجل أنه يبغدن c'est ça العفو أن الله سبحانه وتعالى يفصل البشي de ses عباد ويحب ذلك أي لا هذا قال فيحب أن يعفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. Et celui qui espère l'afou min Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ait cette rahma. Wa hada l'afou, qu'il pardonne à ses frères musulmans. Et celui qui pardonne à son frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne. Comme il a dit, fa idha afa ba'duhum an ba'd, amalahum bi'afouhi, wa afouhu ahabu ilayhi min uqubatih. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime pardonner à ses ibad. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك ثم قال ولما عرف العارفون جلاله خضعوا ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا ما ثم إلا عفو الله أو النار عياذا بالله فلهذا chaque مسلم il doit faire des efforts خاصة ces 10 dernières nuits في طلب العفو لأن celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, فَمَا بَقِيَ إِلَّا النَّارِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ قَالْ لَوْلَا طَمَعُوا الْمُذْنِبِينَ فِي الْعَفْوِ لَحْتَرَقَتْ قُلُوبُهُمْ بِالْيَأْسِ مِنَ الرَّحْمَةِ صحيح. Si on n'espérait pas هذا العفو et le pardon qu'Allah nous pardonne, qu'il nous fasse miséricorde, que ce cœur il serait rempli de يأس. الياس c'est le désespoir. لكن المؤمن il s'écarte de هذا الذنب الياس والقنوط من رحمة الله عز وجل. دائما tant que tu es vivant ولله الحمد باب التوبة il est مفتوح. Tant que tu es vivant et avant la fin des temps باب التوبة il est مفتوح. Et Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tout. كما قال عز وجل قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فلا تقنط. Ne désespère jamais quoi que tu aies fait في حياتك من بدع ومعاصي أو حتى كفر من دولا مكخيانس ne désespère pas, fais توبة, demande pardon et repends-toi avec les conditions, tu dois regretter, tu dois délaisser ce péché إلى آخره. Et Allah subhanahu wa ta'ala يحب العفو, il te pardonne et il aime pardonner عز وجل. قال ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه كان بعض المتقدمين يقول في دعائه: اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن الصفة وإنها صغيرة في جنب عفوك. دعاء جميل. هذا الرجل الصالح يقول أن السبشيز التأنهم لكن صغير برابور وبردون الله سبحانه وتعالى. Donc tu dois pas désespérer. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de pardonner à tout le monde. Fa'anta, quoi que tu aies fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pardonner, fa demande-lui. Qala, fa'fu anni, wa qala akhar minhum, jurmi azim, wa afwuk kabir, fajma' bayna jurmi wa afwuk, ya karim. Fa'du'a'un jamil. Kana yaqul, jurmi azim, ay mes péchés sont énormes, wa afwuk kabir, ay Allah, ya Allah, ay ton pardon, il est énorme. Fajma' bayna jurmi wa afwuk. Aïe, Allah, rassemble entre mes péchés et ton pardon. Aïe, pardonne-moi. فهذا كلام جميل. قال وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. انتهى. Et ça c'est une hikma azima. C'est une sunna de répéter al-afu, de demander plutôt al-afu dans ces 10 dernières nuits, alors que ce mu'min en général il est loin des péchés à ce moment. Il est fil majjid, il est le Coran. Ma'ahada, la sunna c'est de demander le pardon. Les madaliens, on ne sait pas est-ce que nos œuvres elles ont été acceptées. On ne sait pas est-ce qu'on a eu des manquements. Il a chef qu'on a eu des manquements. Enfin, demander al-ghufran ou al-afu via dal-hal, c'est très très important. Et al-salih min al-mu'minin, il ne pense pas que ses amal ils sont acceptés. Ça c'est min al-ghurur, ça c'est grave. On a fait des amal et on pense que khalas c'est accepté à 100%. Là, ça c'est une porte ouverte à l'orgueil. Allahu alam, est-ce que c'est accepté? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-afu. Et si on a eu des manquements, fil ikhlas, ou la façon de faire, ou les efforts, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Hakada fi salat. C'est pour ça que c'est une sunnah après la salat de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta salamu minka salam ila akhir. Pourtant, tu viens de faire une ibadah. Tu n'as pas fait un péché pour dire Astaghfirullah. Ma'ahada, on dit Astaghfirullah, c'est une sunnah l'imana liana. Peut-être que tu as eu des manques. Et là, je sais qu'on a des manques. Dans la concentration, dans la façon de faire ila akhir. Al-istighfar après l'ibadah, c'est min alamati at-tawfiq. Celui qui, après avoir fait des ibadats, il astaghfir Allah subhanahu wa ta'ala, il a peur que sa ibadah ne soit pas acceptée. Sans exagérer, bien sûr. Il espère la récompense. هذا, il est ala khayrin azim, naktafi bihada. Il reste un majlis, un point, une assise, et inshallah, on essaiera de lire cette assise jeudi. Wa billahi tawfiq, naktafi bihada al-qadr, walhamdulillahi rabbil alamin.